Le groupe de visite dans la patrie des compatriotes coréens au Japon conduit par Park Yong-gi, directeur adjoint du département du Présidium du comité central de l'Association générale des Coréens résidents au Japon, arrivé le 18 à Pyongyang par vol, a déposé un bouquet de fleurs devant les statues en bronze du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il sur la colline Mansu avant de rendre hommage.